pourrait tous ensemble chanter sur des rimes faciles, exprimer nos idées sur un style indélébile. Mais au lieu de s'épuiser à cracher sur la société, on prend la vie comme elle est. Et puis si tout part en paix, on se dit que... Il y a des cons partout, faut voir la réalité en face, ils sont tout autour de nous. Regarde toi-même, il y a des cons partout, faut pas se voiler la face. En plus, ils sont moins que nous, alors cherche le problème. Du coup, on crie notre âge pour faire grincer des dents. Fini les chansons sages, faut qu'il y ait du changement. On peut donner une image toute faite de faux semblants, mais comment rester en marge sans avoir l'air trop aidant? Voir la réalité en face, ils sont tout autour de nous. Regarde toi-même, il y a des cons partout, faut pas se voiler la face. En plus, ils sont moins que nous, alors cherche le problème. On pourrait tout aussi bien faire l'éloge du spliff, dire qu'il faut légaliser et faire tout un tas de manifs. On pourrait aduler Marley aussi parce qu'il a tué le shérif, pour ensuite suivre ses pas et combattre toutes ses injustices seulement. Y'a des cons partout, faut voir la réalité en face, ils sont tout autour de nous. Regarde toi-même, il y a des cons partout, faut pas se voiler la face. En plus, ils sont moins que nous, alors cherche le problème. Cette chanson est là, c'est bien pour montrer une chose, c'est que pour être intéressant, la Starac n'est pas une bonne cause. Si tu veux éveiller ta conscience, écoute ce son qu'on t'impose et arrête de chialer sur tes pauvres chansons à l'eau de rose. Il y a des cons partout, faut voir la réalité en face, ils sont tout autour de nous. Regarde toi-même. Il y a des cons partout, faut pas se voiler la face. En plus, ils sont moins que nous, alors cherche le problème. Cherche le problème.